Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à cette édition des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 11 au 17 octobre 2010. C'est Stéphanie Gagné. Lui, c'est Mathieu Plante. Bonjour les palmiers. Bonjour. Simple de même, bonjour. C'est un accueil là, digne d'un palmier, d'un arbre, d'un arbuste. Toi, t'as quasiment la couleur des feuilles de palmier en tout cas. Ah, c'est vrai, je suis vert aujourd'hui. C'est rare que je porte du vert. C'est vrai. Tu vas faire ça plus souvent. Tu portes du bleu. Pour les gens à la maison, wow, un chandail de Malajub. Oui. Malajub. Il est beau, hein? Ah, il est super beau. C'est quand j'avais été les voir, là, 2 ans. Tu vois, on revient. Là, vous écoutez des gens qui aiment la musique. Ouais. Je crois que ça sent ici et on aime ce qu'il y a dans le palmarès pour la plupart. Et on aime les nouvelles entrées aussi. En tout cas, il y en a une, là, petite numéro 18. Là. Ah, j'ai bien hâte. Oh, ben Colin. Alors, on va entendre d'ici la fin de notre énorme bloc de nouveautés. On a quoi? 9 nouvelles entrées cette semaine. Ben oui. Incroyable. On va voir Grinder Man, Land of Talk, Random Recipe. Chili Gonzalez, The Dreadnoughts. Aussi, côté francophone, Olinéa, Ariel, Chinatown et une nouvelle entrée pour 354 Barry. Oui, c'est justement avec ça qu'on va commencer en 20e position francophone. Voici Ram sur C'est fou 89.1 FM. When all your castles turn to penitentiaries, all of me sick. apple tree. Life is a lady's breath, life is a mystery. Along the sacred way, we wander every day. Tear on the Tennessee, you want a piece of me now. Regarde au quotidien, j'aurai pour toi, mon femme, un enfant, Seigneur. C'est une belle chanson, vous pouvez les entendre, surtout à CFOU FM. CFOU en ligne, une présentation de Infotech Internet. 19, nouvelle entrée. Thank you. Chili Gonzalez avec Night Moves. C'est à la 19e position, nouvelle entrée. C'est très bon, ça. J'aime beaucoup. Avant, c'était Chinatown avec Bateau de querelle en 19e francophone. Et aussi en 20e position anglophone, on a entendu The Jonettes avec Cider Road. Donc, ça fait 4 nouvelles entrées jusqu'à maintenant. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Ouais. Il y a beaucoup de nouveaux matériels pour terminer, pour continuer l'automne, disons ici, assez fou. De l'entendre ces choses-là de plus en plus et peut-être que tout ça va monter. Sinon, peut-être que d'autres ne monteront pas. C'est un peu l'évidence même, tout ça. J'explique le concept d'un palmarès pour ceux qui ne seraient pas au courant de qu'est-ce que c'est un palmarès. Hein? C'est, ouais. Ouais. C'était éducatif. C'était le volet éducatif de l'émission. Bon, ben, on va poursuivre avec un autre bloc de 4 nouvelles entrées. Mm-hmm. On va aller écouter tout à l'heure du Lad of Talk et du Random Recipe. Mais on va commencer avec Ariel, les fringués pour le kill, 18e position francophone. Sur C'est Fou, 89 FM, vous êtes dans les palmarès, C'est Fou. You have, you hold it solid. The black's building up, talk to the corrupt. Luck is for beginners, aqueducted to the listeners. Flow it up through a mold. Thoughts and lyrics forever close to me, my precious shield of gold. To all the beings, it's just when there's an age. Professing all the rage gives the best of courage. Je pense que t'as raison, elle me disait que c'était pas la bonne, puis t'as raison. Ben oui, je la connais, moi, la toune. Moi, je connais pas Random Recipe du tout. Fait que ça, c'était A Moment with the Last Dinosaur. Et la vraie qui est sur le palmarès, c'est Something on My Mind. C'est drôle. Allons-y. Veux-tu l'entendre elle aussi? On peut jouer un extrait de chaque, ça aussi. Wow, non? Pas de problème. «

7. Nouvelle entrée. Crying. Land of Talk avec Quarry Hymns. Mm-hmm. Yes, 17e position, nouvelle entrée. It's good. It's good. Juste avant, c'était Olinéa avec une autre bonne pièce. Je trouve une feinte au trépas de leur nouvel album La Bête de l'Homme. 7e position francophone. Donc, on a terminé le bloc de nouveautés francophones. Il nous en reste une du côté anglo. On va l'entendre. On ne l'entendra pas, en fait. Je regarde ça, on ne l'entendra pas du tout. En fait, on saute par-dessus nos 16e des deux côtés pour diverses raisons. Donc, en 16e, la nouvelle entrée était Kitchenette de Grinderman sur l'album Grinderman 2. Et on va aussi passer par-dessus la 16e côté francophone, Vulgaire Machin avec le mythe de la démocratie. C'était quand même sa 8e semaine au palmarès. Ouais, on va passer aux 15e position du côté anglo. On n'entendra pas Soilwork avec Night Come Scream qui monte d'une place. Mais on va entendre Atomic Baobab par contre. Yay! Yeah! Gagnante des Mardis de la Relève 2010, c'est un groupe du coin. Oui, en effet. Donc, les voici avec Bombe Cérébrale. Au palmarès, c'est fou. 89.1 FM. Comme ça, y'en aurait pas de problème. C'est ça que je me dis chaque matin. Je regarde le fond de sa main. Mais c'est un big jam, il faut que ça garde. Au pied devant l'eau, bien le sourire macabre. T'es dans ton truck, t'as ta cargaison en arrière, t'es sur le frein Jacob, tout le kit, tu te demandes quoi écouter comme musique. Pose-toi pas trois questions, gros. Entre deux œufs bacon, s'intonise CFOU. C'est fou au 89.1. We'll be right back. numéro 14. Winter Sleep et New Inheritors montent de 5 places, c'était nouveau la semaine passée. Là, c'est en 14e position anglophone. Et là, on va passer par-dessus numéro 13 et 12 du côté francophone. Numéro 13, c'était Les Martiens avec TV Brain. Et au numéro 12, The Mockingbirds avec Lève le son qui montait de 3 positions. Ça veut dire qu'on va rester un petit peu du côté anglophone pour les prochaines minutes. Tout à l'heure, il y a Tokyo Police Club avec Bambi. Mais on débute avec le Melly Grove Band. Ça monte de 7 places, c'était nouveau la semaine passée. Voici Ghosts at My Back. Dans les palmarès, c'est fou! We'll be right back. numéro 12. Ma chanson de la semaine, Bambi de Tokyo Police Club. Qui jouait dans Gossip Girl. Oui, ça l'a joué dans Gossip Girl cette semaine. C'est pour ça que quand je l'ai entendu, je me suis dit « Ah, c'est si bon! » Mais ils ont du goût des émissions de télé américaines, c'est ça l'affaire. T'sais, ça a beau être super cheesy, soap opera, l'émission. Gossip Girl, on s'entend. Ouais, on quand même. Leur choix musical est bon. Oui, mais c'est une petite vague là, depuis, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans. Une petite vague dans les émissions, dans les séries télévisées. Même Grey's Anatomy. Oui, Grey's Anatomy ont beaucoup, beaucoup de goût. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tout à l'heure avec une deuxième. Alors, restez avec nous. C'est fou, ça. Bon, attention à la deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 11 au 17 octobre. Le 11 au 17 octobre 2010, Mathieu Plante et Stéphanie Gagné avec vous. Oui, et les palmiers. Et les palmiers, ben les palmiers sont toujours là. Ils sont toujours très bienvenus dans notre humble petit studio miniaturisé. Ah, c'est énorme comme studio, arrête. Ah, c'est au moins la longueur de au moins une personne ou deux debout. Genre... Debout. Bref, maintenant dans l'émission, à ce moment-ci, instantanément comme ça, c'est l'heure de se warper. C'est comme quand tu vas dans Mario, tu pognes le tuyau, tu sais. Puis là, tu warpes à un autre monde. Puis là, ça donne que c'est un monde où il y a des nouvelles artistiques. Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Oh, guess what, le bloc sur les nouvelles culturelles et artistiques avec Stéphanie Gagné. Quoi de neuf? Oui, cette semaine, quelques nouveautés, dont Cold War Kids qui ont annoncé qu'ils allaient sortir un nouvel album. L'album va s'intituler Mine is Yours. C'est leur troisième album et ça va sortir le 25 janvier prochain. Aussi Broken Social Scene ont mentionné au journal Georgia Strait qu'il y avait beaucoup de matériel qui n'avait pas été utilisé pour Forgiveness Rock Record. Donc, ils pensent qu'ils ont juste à écrire quelques autres chansons et pouf, un nouvel album déjà. Comme par magie. Comme par magie. Ben oui. Ça serait bien plaisant parce qu'on a quand même attendu 5 ans pour Forgiveness Rock Record. Alors là, possiblement que... On leur pardonne. Forgiveness. Peut-être que ça va pas prendre de temps avant d'avoir un nouvel album. Ensuite de ça, Licky Lee va avoir des nouvelles chansons. Elle promet un album bientôt, mais bon, ça fait quand même assez longtemps qu'elle a annoncé ça. Il est toujours pas arrivé. Il y a pas de date, il y a pas de titre encore pour l'album, mais il y a le single Get Some avec en B-side Paris Blue qui va être disponible le 25 octobre gratuitement sur son site web. Ouh! Aussi, on a entendu Chinatown tout à l'heure à la 19e position. Eh bien, ils ont un nouveau vidéoclip justement pour la chanson qui était une nouvelle entrée. Ouais. Bateau de querelle. Donc, eux qui sont en nomination pour Révélation de l'année et Album Pop Rock de l'année. En tout cas, ils traient cet album-là pendant un bout, je trouve. Oui, moi aussi, j'ai hâte qu'il y ait du nous. Ouais, il est sorti en 2008. 2008, c'est quand même vieux. Du moins produit en 2008. Et puis là, ben, il très, vidéoclip, nouvelles chansons, nouveaux extraits, nanana. Il y a beaucoup de stock là-dessus, hein? Ouais, on a hâte d'un nouvel album, là. Les gens aiment ça. Nouveau stock. Les gens aiment ça. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Ensuite, il y a Think Things. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que cet été, je l'avais parlé dans les nouvelles qu'il y avait sorti une nouvelle pièce, Hands. Eh bien, Passion Pit en ont fait un remix qui est vraiment encore plus accrocheur. C'est vraiment super bon. J'avais pas trippé sur la version de Think Things, mais là, le remix de Passion Pit, c'est vraiment bon. Ils sont forts sur les remix, Passion Pit. Ils ont fait un remix d'OK Go, là. Vraiment ils excellent. Ils en font vraiment beaucoup. Ouais. Ils arrêtent pas, là. Ils sont vraiment bons. Ils ont la passion. Dans hein? Le pit. Donc, c'était pas une joke, c'était juste une phrase, un mot. Si vous voulez entendre ça, allez sur recordlabel.com. Et il y a aussi la pièce We're Not The Same qui joue dans la publicité de nouveau parfum Loud de Tommy Hilfiger. Oh. Oui. OK. Mais on ne sait pas si la pièce va être dans le prochain album. Mais bon, probablement. On suppose. Aussi, un nouveau vidéoclip pour Crystal Castles avec la pièce Baptism. Ton groupe préféré, ça, encore? Ah, j'ai même pas dit. Non, hein? Mais moi, je l'ai dit pour toi. C'est toi qui pousses, là. Arrête, Mathieu. D'accord. Excuse-moi. Et dernière nouvelle, Oceaga, les dates ont été annoncées pour la 6e édition de 2011. Ça va être du 27 au 31 juillet. On a le temps de se prévoir ça à l'agenda, hein? Oh, moi, je le mets à mon agenda parce que je l'ai manqué cette année et oh, je l'ai tellement regretté. Ça, puis le FME, là. Ouais. Festival de musique émergente. Oui, dans le Nord. Dans le Nord? Ces deux-là, là, c'est sûr et certain, à moins d'être morte là, ou d'être à l'hôpital vraiment coma, là, c'est sûr que j'y vais. C'est donc bien négatif, ouais. Mais non, je sais que je vais y aller. Okay. C'est juste pour dire qu'il n'y a aucune raison valable pour ne pas y aller. D'accord. Et justement, parlant de chez Aga... Mais quel lien? On va aller entendre Super Weezer. C'est à la 11e position avec la pièce Ruling Me. Mais avant ça, on va écouter du côté francophone Kalun Saloon. C'est stable par rapport à la semaine dernière. C'est la 3e semaine. Voici Laisse-moi donc rentrer. Au palmarès, c'est fou! Au 89.1. J'ai roulé deux jours sans m'arrêter. Enfin, trouver le chemin pour arriver à toi. Star, je suis rendu. Laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! Laisse-moi rentrer maintenant que je suis là. Tu m'as pas vu la face depuis des mois. Hey, hey, laisse-moi donc rentrer. Ouais, donc, bébé. Parti, tu m'as laissé le ménage et puis les petits en me disant que je l'avais mérité. Oui, non, bébé! Oh, laisse-moi rentrer, j'ai deux mots à dire. Puis dis à ton chum que pas fini de m'haïr. Hey, laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! T'aurais-tu peur de me laisser rentrer? T'as-tu la chienne de voir arriver? Serais-tu en train? Un peu sous, puis je vais te faire filer doux. Je vais m'étendre mon long sur ton balcon en En attendant que tu pètes les plombs, ouais, je te jure que je suis pas pressé. Ouais, donc, bébé. Laisse-moi rentrer, pis tu verras de quoi je suis capable depuis que t'es plus là. Laisse-moi donc rentrer. J'étais pas capable de rester mou. J'ai roulé deux jours sans m'arrêter. Enfin trouvé le chemin pour arriver à toi. Star, je suis rendu, laisse-moi t'en rentrer. Ouais, t'en rêver. Laisse-moi rentrer, pis tu verras de quoi je suis capable depuis que t'es plus là. Laisse-moi t'en rentrer. Ouais, t'en rêver. Ah ouais, ton bébé, laisse-moi t'en rentrer. Numéro 11. Avec Ruling Me, c'était à la 11e position, ça monte de 2. Tout à fait. Avant ça, on a entendu, qu'est-ce qu'on a entendu? Quel autre salut? Laisse-moi donc rentrer. Ben, Colin, toi, c'est stable. C'est stable. On est rendu à la mi-chemin du palmarès déjà. Oui, ça a passé vite. Il est quand même juste 3h08. Mais vous demandez, mais comment ça se fait qu'ils sont rendus aussi loin que ça? Ben parce qu'on a sauté par-dessus plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on a sauté par-dessus plein de choses, tu me demanderas? Parce qu'on a une entrevue tout à l'heure. Avec Danny Placard, qui va être avec nous par téléphone. On va lui parler en direct de son nouvel album, de leur nouvel album à son band Placard, tout à l'heure. Mais pour l'instant, on écoute les 10e positions. Du côté anglo, c'est Off Montreal avec Coquette qui monte d'une place. Et côté francophone, c'est toujours stable. Sonny Duval avec Bikini, sa 4e semaine au palmarès. On écoute ça au 89 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Sa jolie robe était trompée des couteaux rillés sur ses pieds. Waouh! J'ai vu Kiki sans parapluie. Ils en tremblaient en ricanant. Kiki dansait en riant, serrait les dents. Beautiful. of Montreal avec Coquette Coquette qui monte d'une place en 10e position anglophone. Côté francophone, on entend Sonny Duval avec Bikini. Maintenant, on va passer aux 9e position. On va sauter par-dessus l'anglophone Buddy McNeil and the Magic Mirrors avec Help Me Mama, qui est stable. On va entendre les positions 9 franco et puis les 8e ensemble. Oui, donc on va entendre Gaslight Anthem, La Patate Rose aussi. Mais on commence avec JP Dalpé. Voici Mauvaise Track. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Hey, tantôt, Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a tantôt? Un instant classique. Un instant classique. Yay! Yay! Yay! C'est les meilleurs moments d'assemblage requis, mais meilleur, c'est relatif. Hein? C'est comparé au reste de l'émission qui est comme... Les plus cocasses. Ouais. Ouais. Les plus coquets. Coquette, coquette. Depuis le temps que tu veux, depuis le temps que j'ai pas, ferme les yeux, prêt, pas prêt, on y va. Le chemin du rêve selon les règles de l'art. J'ai bien peur qu'il ne mène plus nulle part. Courtiser le ciel sans avoir un rond, les rêves en étoiles criblés de plomb. Sur la mauvaise traque, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. Passage et clandestin pour le hold-up du destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent, deux fous qui s'enfuira sans remords par la route du Nord. S'il faut que l'argent nous liquide, je suis Buffalo Bill, Billy le Kid, on est Bonnie and Clyde. Pas besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, qui paraît qui pourrait à nos frais. Quelqu'un hypothétiquement disposé à en discuter. Sur la mauvaise traque, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. Passager clandestin pour le hold-up du destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du Nord. La mallette, la cravate, première classe sur l'avion. Je te demande, qu'est-ce que moi écouter comme musique à bord? Branche-toi donc sur info.ca. Online, on comprend? C'est fou en ligne. Une présentation de Infotech Internet. La matinale que tu m'aimes. je suis là encore et mon rêve sera d'être là à l'aurore, à l'heure d'or. Gaslight Anthem avec Orphan, c'était la 8e position. C'était quand même 15e position la semaine dernière. Monde bon. De 7. Ben oui, un petit saut. Un little jump. Little jump. Mm-hmm. Avant ça, du côté francophone, ça donne rien de juste traduire les affaires en français, je sais. Du côté franco, c'était la pâte à rose avec un chocolat. Ça descend de la 3e place. Donc un little plunging. It's been plunging in the water. Hein?

Non, ouais, ben ça, je suis pas sûr que je me fierais là-dessus. Ouf, ouf, ouf, moi, je mangerais pas ça. Je vais la rincer. Il m'en reste de mon côté, si tant mieux. Donc, retrouver, entre autres, Stéphanie et ses framboises, ainsi que le reste de la ribambelle, la Peanut Gallery. Hein? Nos marionnettes préférées dans l'assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Ici même à C'est fou 89 FM. C'est avec François-Yves Marchand. Affirmatif. Et Mathieu Plante. Tout à fait. Et non, même si on sonne comme, on n'est pas un couple. C'est ça. vous êtes toujours dans les paroles à C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On est rendu aux positions numéro 5. Du côté anglophone, on va avoir Rara Riot avec Boy. Mais on va commencer avec le Husky. Pièce dialogue, ça monte de deux positions. Boy! Hein? Ta framboise, as-tu rentré finalement? Même malgré les poils. Je l'ai pas pris encore. Malgré les sacs. Mais elle a rien dessus, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de poussière. Tout va bien, elle a l'air d'une framboise en santé. Comme une vraie. Deux portes de cigarettes dans un café, quoi, Marianne et Marquette. Pourtant c'est facile, j'ai juste à oublier tout le monde. Me foutre de tout, me foutre de toi, courir droit devant moi. Ah. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues. On mange du vin pour souper, on mange du ciment. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos chambres enfermées comme des cales de navire, perdus comme des cochons, tirelire des éraflés du siècle en devenir. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues. Le Husky avec Dialogue qui monte de deux places. Maintenant, on va aller rejoindre Stéphanie Gagné qui est en direct du studio B de C'est fou. Absolument. Stéphanie, ça va? Très, très bien. Peux-tu nous dire ce qui s'en vient du côté anglophone, s'il te plaît? Rara Riot avec la pièce Boy qui monte d'une position. Quand même, il y a l'air grand, votre studio, il y a de l'écho. River Riot et Boy! Boy! Boy! J'essaie d'imiter des rappeurs, puis je suis vraiment pas capable, comme tu peux voir. En effet. Ça marche pas du tout. Je pense que t'as pas été rappeur dans une autre vie. Non, c'est ça. Et je ne le serai pas dans une future non-existante future vie. Bref, peu importe, vos croyances. On est rendu aux positions numéro 4, mais avant de passer aux positions numéro 4, Stéphanie, tu savais que les palmarès, c'est fou, c'est pas seulement un top 20 franco et un top 20 anglo. Non, il y a de l'électro, il y a du loud, il y a les disques canadiens, plein de choses. On pourrait dire des fois top country en regardant un top francophone. Ouais, quasiment. Un peu, mais c'est pas exactement ça. On va faire un petit peu le survol de tout ça, commençant par le top 30 des CD. Il y a 4 nouvelles entrées. En 26e, Hooded Fang avec Hooded Fang Album. Oh, Hooded Fang, c'était un des groupes préférés de Kiwan, mon ancien co-animateur d'Assemblage Requis. Ah oui? Oui, et donc j'ai bien hâte d'entendre ça, moi, Hooded Fang. En 18e place, on trouve The Dreadnoughts avec Polka's Not Dead. En 17e, Chili Gonzalez avec Ivory Tower. Et en 16e, Random Recipe, Fold It, Mold It. On a entendu ces trois groupes-là plutôt en nouvelle entrée dans le top 20 anglophone. Top 3 maintenant, la troisième est stable, The New Pornographers avec Together. En deuxième, stable, Winter Gloves avec All Red. Et en première, ça monte de 4, Mr. Valère avec Golden Bombay. Et le top 3 des 10 Canadiens, c'est pas mal la même chose. Numéro 1, Mr. Valère. Numéro 2, Winter Gloves. 3, The New Pornographers. On va visiter un petit peu le top 10 loud. Je vais faire les nouvelles entrées. Pour l'instant, en 9e, Cythia avec 3 petits points of war. Et en 8e, Holy Grail avec Crisis in Utopia. Pour le top 3, numéro 3, Blind Guardian avec At the Edge of Time. 2e position, The Order of Chaos avec The Order of Chaos. Et numéro 1, Cataclysme avec Heaven's Venom. Ben, c'est merveilleux. Ça, on parlera du top 10 électronique un petit peu plus tard dans l'émission. Normalement, on devrait avoir du temps pour jouer au moins une pièce de ça. On devrait. C'est la règle, c'est de même que ça devrait marcher. On va aller entendre les positions numéro 4 pour l'instant. Du côté anglophone, c'est Iron Maiden avec Coming Home qui monte de 6 places. Côté francophone, ça va être Chantal Archambault avec la pièce Cavale qui monte de 2 positions. Ça, on est très, très heureux pour Chantal Archambault. Oui. On peut l'annoncer que la semaine prochaine, ce sera elle qu'on aura en entrevue. Mais plus tard, dans l'émission d'aujourd'hui, c'est Danny Placard qu'on va avoir. Super. Alors, restez avec nous. À feu pour que dans le noir tu puisses me voir un peu. numéro 4. La position numéro 4 du palmarès anglophone, c'est Coming Home de Iron Maiden et ça monte de 6 places sur l'album The Final Frontier. Et justement, on a entendu Cavale de Chantal Archambault à la 4e position côté francophone. C'est la fin de la 2e heure des palmarès. C'est fou, il y en a une 3e tantôt. On va avoir Alex Nevsky, les frères Goyette, Radio, Winter Gloves, The New Pornographers et Mister Valère. On va savoir qui là-dedans est la position numéro 1 de chaque côté. Et on a aussi Danny Placard en entrevue juste après la pause. Alors reste avec nous. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour, c'est la 3e heure des palmarès du fou pour la semaine du 11 au 17 octobre 2010. Elle, c'est Stéphanie Gagné. Lui, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes les palmiers. Absolument. Tout à fait, ça ne change jamais, ça. C'est bien, bien rare. Ben, dépendamment de l'heure de la journée, le matin, on les appelle... Les requins. Voilà, un peu plus tard dans la journée, les palmiers. Faut se faire à l'idée. Plus tard dans l'émission, on va avoir Alex Nevsky, les frères Goyette, Winter Gloves, Mister Valère. Faut rester là pour ça, mais faut rester là surtout pour Danny Placard qu'on a en entrevue en ce moment même par téléphone. Salut, Danny Placard. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben, super. Merci d'être avec nous. Ah, ben, ça fait plaisir. Super. T'es avec nous pour parler, entre autres, de ton plus récent album, Placard. C'est ton 3e album, on dit solo, en guillemets, mais on va revenir sur le fait que c'est pas tant solo, hein? Ouais, ben, c'est ça. On appelle ça un album solo, mais c'est plus un album de band, là. D'où le nom, c'est pour ça qu'on appelait ça Placard, là, vu de... On enlevait le Danny, mettons. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu t'es entouré de gens qui te suivent depuis quand même relativement longtemps, là. Ouais, mais c'est les boys qui me suivent dans la tournée depuis peut-être 2 à 3 ans, ça dépend. Il y a comme Tito de Smackbet, tu sais, que j'ai fait un disque avec, puis les autres étaient là sur la tournée de raccourci. Hein. Ouais, c'est ça. Ben justement, t'as fait des collaborations avec eux. Là, celui-là, c'est plus avec ce band-là en tant que tel, mais t'as fait plein de collaborations. C'est quoi ça? Tu voulais revenir à ta source, quoi? Ouais, ben un petit peu comme dans le temps de Plywood 3/4, pour sentir qu'on était vraiment comme un band. Puis en même temps, c'est surtout parce que je voulais m'en aller ailleurs, tu sais, je voulais pas revenir dans le folk et tout ça. Moi, je suis quand même assez folk, puis je voulais comme aller cuiser peut-être dans d'autres influences. Les boys m'ont nourri de nouvelles musiques que je connaissais plus ou moins, puis ils ont mis vraiment leur grain de sel sur le disque. J'ai pratiquement rien dit, je vous ai laissé faire ce qu'ils voulaient. De l'improvisation de leur côté. Le style, tu dis, qui a changé pas mal depuis ton dernier album, qui était plus folk. Là, on met tout le temps l'étiquette pop-rock là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de cette étiquette-là? Est-ce que ça te dérange? Ou? Non, ça me dérange pas en tout. Je suis parfaitement d'accord. C'est pas parce qu'on dit pop que c'est pas bon. Pas pour dire que les choses sont bonnes, là, pas pour, mais il y a de la bonne pop. C'est pas juste des affaires... trop grande écoute puis préfabriqué, il y a des affaires excellentes qui se font en pop. C'est ça, j'ai eu que tu étais tanné d'entendre le. Mais en fond, tout le monde disait que tu parlais tout le temps de pick-up dans tes chansons. Je sais pas si c'est quelque chose. C'est vrai. C'est ça. Est-ce que tu étais tanné de parler de pick-up toi-même ou est-ce que tu étais tanné d'entendre les gens dire que tu n'arrêtais pas de parler de pick-up, mettons? Non. Je me suis jamais fait dire que je parlais trop de pick-up. Okay. C'est juste que je sentais que j'avais besoin d'aller ailleurs puis. J'avais fait le tour de parler de pick-up, de route, de grands espaces, puis de besoin de sacrer son cap. Ouais. Vous avez changé aussi. Excuse-moi. Vous avez changé aussi les instruments que vous utilisez. Vous avez enlevé certaines affaires. Ouais, ben on a enlevé les cuivres, on a enlevé les violons, puis il y a beaucoup moins de lapsteel, tu sais, qui sonne bien western, en fait. Puis justement, ça revient à dire qu'on voulait s'en aller ailleurs. Ouais, c'est ça. On a remplacé ça par une autre guitare. Fait qu'on est 3 guitares, ça. Ok. Est-ce que tu penses que tes fans de la première heure vont quand même s'y retrouver? Ben, je pense que... En fait, j'espère, là. Mais je pense que oui. C'est ça, il faudrait pas t'y mettre à dos. D'après moi, ben, tu sais, on a fait ça un petit peu plus pop, plus rock, mais on n'a pas fait de compromis, puis ça reste du placard quand même. On t'appelle, dans le fond, le parrain de la chanson folk country, c'est un petit peu ça. Tu produis pour d'autres artistes. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un avant-goût des artistes avec qui tu vas collaborer bientôt? Ben là, il y a Chantal Archambault qui est sortie cette semaine en magasin. J'ai fait le disque avec elle. Puis sans ça, il y a Tire le Coyote, un gars de Québec, qui qu'on a commencé il y a 2 semaines. qui est quand même assez folk, un petit peu à la sauce Neil Young. OK. De quoi de bien trippant que j'adore. Puis il y a Francis Faubert-Loutier qui a fait Grambé cette année, qui devrait sortir probablement un EP avant les fêtes. Là. Mais l'album est en chemin. OK. Revenons à l'album Placard. Ça raconte des histoires différentes de 10 femmes, elles-mêmes différentes. Hein? Est-ce que c'est fictif ou est-ce que c'est basé sur des gens que vous connaissez? Il y en a 3 que c'est pas fictif, en fait. Il y a Mme Henriette qui est comme ma voisine de palier, mais c'était pas... Je l'ai comme su après qu'elle avait perdu son mari il y a 5 ans. Fait que, mm-hmm. Puis elle m'a avoué, elle a dit « Mon temps est fait, j'ai bien hâte d'aller retrouver mon amour au ciel. Mm-hmm. » Il y a la prieuse... C'est une femme qui m'a arrêté dans la rue pour prier pour moi, puis c'est vraiment arrivé pour vrai. Et puis il y a la grande Kim qui est l'ami d'un ami. Mm-hmm. La pièce Madame Lou est dans le palmarès franco ici, assez fou, en position numéro 6 en passant. Est-ce que tu peux, oui, ben, mais c'est cool. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire un petit peu de Madame Lou? Ben, quand j'ai déménagé à Montréal, ça fait comme une dizaine d'années que je suis ici, je restais dans l'Est, puis ça m'avait comme bien gros frappé. Tu vois ça juste à la TV, les prostituées sur le bord de la rue, mais c'est pas vrai. Fait que j'ai voulu faire une histoire avec une prostituée, mais qui finit bien. T'sais, c'est pas une prostituée qui tombe en amour avec un client, mais un client qui a pas vraiment d'argent. C'est vraiment comme un coup de foudre, puis elle décide de lâcher le métier, puis de s'en aller avec. Mm-hmm. On t'a vu récemment à Trois-Rivières, Stéphanie et moi, t'accompagnais Alexandre Béliard. T'as pas mal, presque volé le show, mettons, un petit peu, tu sais, dans le bon sens, là, tu sais, on aimait autant Alexandre Béliard, mais t'as vraiment une présence sur scène avec lui. T'aimes ça? Oui. Ouais, c'est ça, j'aime bien ça jouer avec Alex, c'est le fun, ça me permet de jouer du drum puis de la base en même temps, puis ça, c'est un bon chum, j'aime bien ce qu'il fait, fait que c'est bien, bien cool de faire le tournoi avec lui. Ouais, tu bouges beaucoup, on te voit pas mal faire de choses en même temps. Alexandre, vous a aidé sur ce CD-là aussi? Ouais, ben c'est ça, à un moment donné, on avait enregistré les musiques. Puis c'était pas fini les textes encore. Puis j'étais comme vraiment, c'était comme la page blanche. Il n'y avait plus rien qui sortait. J'avais raconté un peu mes histoires à Alex, les 2 tunes que j'ai écrites avec lui. Puis il m'a dit, ben écoute, si tu veux, je vais te donner un coup de main. Fait que on a fait ça super vite. Il est venu me rejoindre chez nous. Puis ça a bien été. Là. Cool. Est-ce que tu penses venir présenter votre nouvel album à Trois-Rivières bientôt? Ben c'est tout le temps des histoires de boucage. Là, mais moi, je voulais aller aux Zénopes justement. Okay. Parce qu'on s'est vu avec Alex. Oui. Puis c'est ça, j'attends que ça se concrétise parce que c'est plus de mon ressort rendu là. Super. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de tes autres dates de spectacle qui s'en viennent? On commence la tournée justement cette semaine là, dans le Nord. On va à Val-David au Mouton Noir. Attention, on joue à Montréal le 9-10 novembre dans le cadre de Coup de cœur francophone à l'ESCO. On se fait vraiment comme 2 soirs ben rock. On a le but de jouer dans les plus des places où il fait chaud, puis ce qu'on est en passé, là, vu que l'album est plus rock. OK. Super. Donc, l'album homonyme de Danny Placard est maintenant disponible. Vous pouvez en savoir plus sur plein d'endroits, sur ton MySpace. Ouais, sur mon MySpace, les dates de show sont là, puis sans ça, ben, c'est pas mal ça. Oui, il y a la page sur Indica aussi, dannyplacard.indica.mu. Ouais, c'est vrai, je l'oublie tout le temps, celui-là, mais c'est quand même assez bien détaillé, puis tout est l'essentiel est là. Ben c'est ça, exactement, l'essentiel est là. Donc, on te remercie beaucoup d'aller Placard, puis on te souhaite un très grand succès avec ton album Placard et à tes amis aussi dans ton groupe. Bon, mais ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Merci, puis on a hâte de te voir à Trois-Rivières, c'est sûr. Ah, c'est sûr qu'on va y aller. Parfait, est-ce que tu veux nous choisir une pièce avant de se quitter, n'importe quelle pièce de l'album Placard, garde-toi. Je sais pas, tu peux mettre peut-être Ariane pour faire changer de Madame Lou. OK, bon ben parfait, on va l'entendre Ariane tout de suite au Palmarès C'est fou. Merci beaucoup, Danny Placard. Merci à toi, bye. Bye. Danny Placard en direct de son téléphone et dans le nôtre ici au Palmarès C'est fou. On écoute Ariane de Placard à l'instant. Ariane était complètement folle, elle roulait toujours sur la ligne jaune en BCK. We'll be right back. Dany Placard et la pièce Ariane. Moi, je dirais le prochain extrait peut-être de Dany Placard sur le palmarès. Hein? Oui, oui, je l'aime bien. C'est vrai que ça fait plus pop rock. Oui. Ouais. J'adore. Donc, Placard et l'album. Et on remercie encore une fois Dany d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. C'était super. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Un top 20 francophone, un top 20 anglophone, en veux-tu, en v'là, on vous en sac par-dessus à la tête. C'est comme on se noie dans des bonnes pièces. Puis là, justement, bonnes pièces, tout à fait, parce qu'on est rendu dans le top 3 de chaque côté. Donc, la crème, là, ça se ramasse toujours en haut. C'est comme qu'est-ce qui se ramasse en haut de l'eau, là? Pas de l'huile, mais de l'huile végétale. J'ai ça... poché mes cours de peu importe. Ça m'arrive pas très souvent d'utiliser de l'huile végétale, là. D'accord. T'as pas besoin de mettre ça dans du cardinal. Oh, miam! Est-ce que tu prends l'extra crémeux? Oui, c'est sûr. C'est bon, ça. J'aime bien les petits coquilles aussi, là. Oui. Hein? Ou de la salade de macaroni froide, hein. Ils font ça, la même compagnie, qui fait le craft. J'essaie d'éviter le nom de la compagnie, puis je dis la compagnie qui fait le craft leader. Bravo! C'est excellent. Du côté anglophone, le numéro 3, c'est The New Pornographers avec Silver Jenny Dollar, c'est stable. Et côté francophone, c'est... Oh, parlant de radio-radio, hein? On en parlait juste avant. Radio-radio avec enfant spécial. Dans les palmarès craft. Non. Maintenant, ils pourraient faire le commandite, par exemple. Si on a mentionné les palmarès craft, ça fitrait. Je trouve que ça sent bien, quand même. Ouais. Extra crémeux. La crème de la crème. Ouh! Hey, j'adore ça! C'est génial! Génial! Moi, je suis un enfant spécial avec des pensées régales qui joue dans des festivals. Nakimo, Nakishego, Akistin Free, ma vraiment cheese que t'es. Tu t'habilles drôle pour le fun, veux-tu en discuter? Ton séquillant, ta haute prescription pleine de ritaline. Allogène ou Valium, des enfants spéciaux avec des pensées spéciaux. Hello, si tu es au multitask, il faut que tu piques un peu de check. Avec une face comme ce set, au moins ma mère trouve je suis cute. Elle m'aimera mieux si je ferais mute. Au lieu de mutiler des mots, oui, je pourrais faire un TV show. Des enfants spéciaux, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis, je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. C'est pas notre faute, c'est même la terre nous a fait. So why no word, it's like we should invite. Ma qui moi je suis pour dire tout ça. Ben c'est rien que des histoires. J'en contre rien. Pis j'irai danser dans le noir jusque tout ce que tu vois. Et point vraiment là. Ma échec tu sais parce que je sais que t'es spécial comme ça. T'es un enfant spécial. J't'aime jusqu'à là. C'est pas ma faute. Ma jeune enfant de l'état. Ma qui moi je suis pour dire tout ça. C'est vrai. J'en fous qu'on n'est pas là, puis j'avons point jusqu'à la place qu'il faut aller pour trouver back Cécilien. J'ai dit fun en ça fait 3 heures que je marche partout du pied. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis un enfant spécial. Moi je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. Ouais, je suis un singe, je suis un roi, je suis un coureur de bois. Je suis un capitaine d'un bateau, je suis Jésus sur la croix. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un grand-père, pas un bébé. Je suis un enfant spécial, c'est ça que ma mère m'a pété. Je suis millions d'affaires qui se promènent pendant des millions d'années. La poussière de lundi m'a chaque année en sorcellerie. Je suis un pauvre, je suis un riche, je suis un chien d'une caniche. Je suis un clean cut, prep un hippie avec une barbiche. Y'a toi pis moi je suis toi, on est deux petits chinois. 100% du temps, on est mille fois plus qu'on croit. Et je jump d'une planète à l'autre, toujours prêt de me moquer. De l'énergie qui déborde, moi je vais me laisser m'emporter. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Maki, moi je suis un enfant spécial. Moi je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Maki, moi je suis, toi t'es un enfant spécial. Numéro 3. The New Pornographer, c'est la pièce Silver Jenny Dollar. C'est la position numéro 3 stable du côté anglophone. Côté francophone, on a entendu Enfant spécial de Radio Radio qui était le numéro 1 la semaine dernière. We intended that. T'as pas dit tantôt que ça servait à rien de tout traduire? Mais je trouve ça drôle, bon. T'as mis framboise si en jujube. J'aime traduire de façon complètement atroce et pas du tout correcte du français à l'anglais. Puis moi, ça me coûte pas comme 10$ par jour. Ça me coûte pas 10$, ça me coûte 1$ par jeudi. C'est fun que les gens qui écoutent les palmarès, c'est fou, malgré qu'on a comme 0,5% de contenu, tu sais. Genre. Ouais. Ben, c'est peut-être plus haut que ça. 3-4% de contenu dans les palmarès. Maintenant, les gens sont au courant de ton régime, de ta diète. Ma diète framboise. Craft dinner, framboise. C'est même pas vrai, je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai pris du craft dinner. Ah, ben là. Je dis ça pour rire, là, mais. C'est vrai que je mange juste des repas déjà tout faits. Moi aussi. Mais pas du Kraft Dinner. Ouais. Puis pas des sidekicks non plus. Non, mais c'est bon, ça, des sidekicks. Des lasagnes congelées. Hey, t'as-tu vu la fille qui a découvert un verre de terre dans son sidekicks, là? Arc! Moi, je sais, dégueulasse, hein? Okay, ouais, je sais. Troublé, je vais acheter tous les sidekicks. Ça m'a troublé, moi aussi, mettons. Oh. Ouais. Pas le fun, ça. Pas le fun. Ça me pique partout. Bref, c'est l'heure du souper bientôt pour bien des gens, donc on va lâcher le sujet. Bonne idée. D'accord. On va l'entendre nos positions numéro 2 du côté anglophone. Tantôt, on va entendre Winter Gloves avec Plastic Slides. C'est stable et c'est là depuis 7 semaines. Mais on va commencer avec une autre chanson qui reste stable à la deuxième position. C'est Alex Nevsky avec Notre Cœur de son premier album De Lune à l'Aube. Au palmarès, c'est fou au 89.fm. Parfois de l'allemand. cœur bat parfois de l'aile, mais retrouve toujours sa lune qu'il ne remplit jamais de miel, car il tient trop à ses plumes, car il tient trop à ses plumes. Sa liberté à elle aussi, sa part de ciel. Retour, Winter Gloves est nos numéro 1, mais qui sont-ils? C'est une excellente question. Je trouve. Je trouve que les gens sont intelligents. Parce qu'ils ont des bonnes questions. C'est des palmarès, c'est fou. Plastic slides. Why? managed to breathe steady. And deep in the bottom of the water tank, I guess it works well, but not for long. Ice keep the country quiet. The kids don't push me harder. They keep me quiet down. They keep me quiet. Winter Gloves avec la position numéro 2 du palmarès anglophone, c'est stable et c'est Plastic Slides de leur album All Red. Et le numéro 2 côté francophone, c'était Alex Nevsky avec Notre Cœur. Maintenant, dans les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. On va reculer un petit peu en arrière, attention. Non, un petit peu plus loin que ça encore, c'était plus avancé. Ouais, à peu près là. On va retourner aux positions 13 et 12 francophones. On va l'entendre de Mockingbirds tantôt avec Lève le son, mais on débute avec les Martiens. Voici TV Brain sur C'est Fou. Attends, non, je pense que je l'ai pas à circuler. I'm Lève le son des Mockingbirds en position numéro 12. Ça monte de 3 places. C'était notre petit rembobinage. Pour l'instant, on est retourné en arrière parce qu'on est presque rendu au numéro 1 puis il nous reste encore du temps. Hein? C'est rare, ça! Fait qu'on va reculer encore un petit peu. Encore? Tu veux qu'on recule encore un petit peu plus que ça? Attends un peu. Ah oui, vas-y. C'est la cassette, Attention à la cassette. Un petit peu agressant. Ouais, il est un petit peu aigu. Un petit peu comme ma voix en ce moment. Un petit peu. On va retourner donc encore plus loin. On va entendre les Vulgaires Machins qui étaient en 16e place, stable avec le mythe de la démocratie. Et après ça, on vous promet nos numéros 1. Ouais. Ça va être après ça. Là. Ou bientôt. Peut-être pas nécessairement après celle-là. Sous peu. Sous peu. C'est comme sous vide. J'avais pensé à ça. Ouais. Problems. I don't think I'm too far gone. I haven't hit rock bottom. C'était notre... À chaque fois, hein, à chaque fois, je fais ça. Attention. C'est de retenir qu'il y en a, il y en a trois. T'aurais pu juste dire c'était... Ah, I can handle moderation. Colin, hein, imagine, hein? Ça aurait été professionnel au bout, ça. Ouais. Faut croire qu'on n'est pas rendu là. Tout comme un micro qui tient, c'est encore plus professionnel. Ouais, ben ça arrive ici. Que oh, les... voilà. Il y en a un qui est tombé sur la tête qui dit. La rumeur court. On vient d'entendre notre bloc rembobinage. Donc, vu qu'il nous restait du temps dans les positions numéro 1, on a reculé un petit peu en arrière. Ça, c'était Danko Jones avec I Can't Handle Moderation qui est stable en 7e. On a aussi entendu Vulgar Machin avec Le Mythe de la démocratie qui est stable en 16e. Francophone, évidemment. Ouais. Évidemment. Et là, on est rendu au numéro 1, tant oui. attendu. Oh, hey, c'est vrai, numéro 1, ça veut dire jeu de mots, ça. T'as pas pensé à ça. C'est hein? un peu à mon tour là, de trouver des jeux de mots. Disons que c'est de mon côté. On est rendu de mon côté. C'est moi qui dans vais devoir. Dans ton camp. Dans mon camp. La balle est de mon bord. Je vais la frapper, faire un genre de coup de circuit dans l'allô. Je commence à te connaître quand je suis capable de voir où tes jeux de mots s'en vont. Ben, c'est pas pire. Parce que mes jeux de mots, à date, je me fais dire qu'il n'y a pas grand monde qui les comprend. Hein? Parce qu'à ce qui paraît qu'ils sont bien, bien compliqués. Il y en a, tu sais, qui vont me dire seulement un grand homme de théâtre ou un grand homme de cinéma, de theater, pourrait comprendre, par exemple, mettons, Marlon Brando. Genre, un exemple parmi tant d'autres comme ça, tu sais. Hein? Hein? C'était pas pire. Je l'ai pas raté, là. I didn't miss it. Je traduirais bien en espagnol, mais non. No, Pablo. c'est ça. On s'en va écouter le numéro 1. Ouais. C'était pas malade, hein, mes jeux de mots? Non, pas malade. Mais on va vous dire c'est quoi les numéros 1 après. OK. OK. Ben, let's go, Yette! Let's go! Goyette. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Je te l'avais dit. Mon cerveau est trop rapide. Il marche pas très bien, mais il est bien vite. C'est comme un ordinateur avec un super processeur, mais plein de pop-up. De cul. Un gun sur la tente, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur requête, leur remet mon maigre butin. Une mince pile de vin. Et suivez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse. Je fus dans la mer, j'ai pensé près de devenir la une dans la gazette. Je pars vite, vite sur la gâchette. Je ferme la chope, mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi, un bon coup de semence, pis la balle est dans mon cœur. Sur le chemin du retour, j'ai pris un long détour, me paye un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie, j'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que le film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick, mais la balle est dans mon cou. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand temps que je rentre dans le dos. Non mais Et bien, c'était notre numéro 1 francophone. On entendra notre numéro 1 anglophone dans quelques minutes en fin d'émission. Ne vous en faites pas, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. J'ai pas peur. Calmez-vous le pompon un petit peu. Résumé du côté francophone du top 3, tiens, Radio est en troisième avec Enfant spécial. En deuxième, c'est Alex Nevsky avec Notre cœur. Et on vient d'entendre les Frères Goyette avec La balle dans mon cœur de leur album Rencontre 3e âge. Et ça fait un saut de 16 places vers le haut, de la 17e à la première place. Et côté anglophone, c'est pas mal la même chose que dans le top 3 des 10 Canadiens, si vous avez marqué, et dans le top 30 des CD. Même chose, troisième position, The New Pornographers avec Silver Jenny Dollar. Deuxième position, Winter Gloves avec Plastic Slides qui reste stable. Et première position, on va l'entendre, Lola, bientôt, Mr. Valère avec Brandon Marlowe. C'était mon jeu de mots avec Marlon Brando, je sais que c'était plutôt évident. C'est plutôt. Plutôt évident. C'était la viande autour qui était intéressante. Restez là pour de la viande aussi, de la viande musicale, que des morceaux de choix à une pêche en mission qui va nous suivre le jeudi à 17h. Qu'est-ce qui s'en vient, Stéphanie? Tokyo Police Club, The Stills, Dumas qui va être en spectacle à Trois-Rivières samedi au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Cool! C'est Alain Pébèche en mission, c'est jeudi 17h, on rappelle, mercredi à 15h. Les auditeurs du vendredi vont aller passer, comme outre-tombe. Comme quand tu meurs, tu ramasses en enfer avec les lutins de l'enfer. Ça commence à 20h. Wouhou! Tout excitant, ça, hein? Quand même, comme annonce, je trouve. On va parler rapidement, extrêmement rapidement, parce que là, on va manquer de temps, du top 10 électronique, parce que je vous ai dit que je vous ferai le top 10 électronique. Donc, nouvelles entrées en 5e, Ending in Ing, avec l'album Slow Songs Volume 1. En 4e, Day of the Woman, avec Day of the Woman. En 3e, Blonde Redhead, avec Penny Sparkle. En 2e, Sufjan Stevens, avec The Age of Ads. Ça, c'est donc 4 nouvelles entrées. Et le numéro 1 est stable. C'est Uncle avec The Answer EP. On n'écoutera pas d'extrait cette semaine, mais je vous conseille d'écouter le vestibule samedi soir à 21h si vous voulez en entendre des extraits de ce top 10 électronique-là. On se retrouve jeudi prochain en direct à 14h. En rappel, vendredi 17h. Passe une excellente fin de semaine, Stéphanie. Toi aussi, Mathieu. Puis on se revoit à OK Go samedi soir. Oh oui! OK Go! Wow, c'était beau. Tellement. Bye. Bye. Bonne émission. Merci. Just a minute wouldn't hurt.